Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait pareil. Ça n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Moi, j'ai toutes les joies du monde de devoir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi ? Ne gardez aucun ressentiment de toutes mes extravagances. C'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu trembles. Je vous promets, mon père, que jusqu'au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. C'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment ? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez eue de m'accorder Marianne. Et qu'est-ce qui parle de t'accorder Marianne ? Et vous, mon père. Moi ? Sans doute. Mais comment c'est toi qui as promis d'y renoncer ? Moi, y renoncer ? Oui. Pas du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre ? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Un commandeur chef ? Mais rien ne peut me changer. Laisse-moi faire, très. Faites tout ce qu'il vous plaira. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. T'abandonne. Abandonné. Je renonce pour mon fils. Ouais. Je te déshérite. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Ah ! Oh, monsieur, je vous trouve à propos, suivez-moi vite. Quoi ? Mais suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Comment ? Voici votre affaire. Qu'a-t-il ? J'ai digné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est ? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait ? Vous saurez tout, sauvons-nous, je l'entends crier. Au bonheur ! Au bonheur ! Hé, l'assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Juste ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent. Quand il peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le retrouver ? Ou courir ? Ou pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est-ce ? Arrête ! Rends-moi mon argent, coquin ! Oh, c'est moi. Oh, mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Et là, mon pauvre argent ! Mon pauvre argent ! Mon cher ami ! On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, ah, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde sans toi. Il m'est impossible de vivre. Ah, c'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'abonnant qui me l'a pris ? Hein ? Que dites-vous ? Voilà. Ah, c'est personne. Il faut qu'il se soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais aller quérir la justice. Faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Et oh, que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là ? De celui qui m'a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon bonheur qui y est ? Oh, de grâce. Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il pas caché, là, parmi vous Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences, des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je retrouve mon argent, je pendrai moi-même après.